Amen. Amen. Soyez tous bénis ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mubarikiwe mbo temangaribi ya leo mujina ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu qui nous a compté parmi les vivants soit loué à jamais. Mungu anatuhesabia katikati ya watu wazima asifiwe milele. Amen. Amen. Sans tarder, veuillez honorer la parole de Dieu en vous levant. Bila ugawia mwesimie neno la Mungu mkusimama. Nous lisons nos écritures que nous lisons chaque jour. Tutasoma maandiko yetu tukunasoma hii masiku yote. Acte chapitre 1er. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Versets 8 à 11. Mstari ya 8 kufika na 11. Ephésiens chapitre 1er. Wa Efeso sura yake ya kwanza. Verset 15 à 19. Mstari ya 15 kufika na 19. Et nous relirons le psaume 130 verset 5. Tutasoma Mazaburi 130 na mstari ya 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mujina Bwana Yesu Kristo. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous. Alakini mutapokea uwezo, Roho Mtakatifu itakuwa juu yenu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mutakuwa washuhuda wangu mu Yerusalemu, mu Yudea mzima, mu Samaria kufika na kumipaka ya dunia. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba leurs yeux. Kisha kusema vile akanyanyuliwa wakati ile walikuwa namuangalia na wingu moja ikampoteza. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit. Sawa vile walikuwa na macho yabo kunaangalia kumbingu. Tazama watu wawili wenye kuvala byeupe akabaonekania na kusema Om Galilee. Mwe batu ya kugalilaya. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jia nini munasimamia tu kuangalia kumbingu? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en haut au ciel. Huyu Yesu alinyanyuliwa toka katikati yenu na kwenda kumbingu atarudia mnamna moja moja ile mnamuona kwenda kumbingu. Amen. Amen. Ephésiens 1er. Wa Efeso sura ya kwanza. C'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Jokomana na mimi pia kisa kusikiliza wako nasema kuhusu imani yenu kwa Bwana Yesu Kristo. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Mishiache kumishukuru. Je fais mention de vous dans mes prières. Na niko na mitaya mu maombi yangu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire. Ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo baba yetu wa utukufu. Vous donne un esprit de sagesse. Amen. Et de révélation dans sa connaissance. Amipatie roho ya hekima na ya ufunuo ndani ya ufahamu wake. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Angazie macho ya moyo wenu. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ili mupate kujua ni tumaini gani inambatana na mwito yenu. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Na ni utajiri gani ya utukufu yake na warithi yake. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Na ninini mbele yetu sisi benye kuamini imani ya munene ya uwezo wake. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Yenye konekana na uwezo yote kupitia nguvu ya uwezo wake. 130 psaumes. Mazaburi 130. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Na mutumainia wa milele na nafsi yangu inatumainia. Et j'attends sa promesse. Na niko na chunga malako yake. Que Dieu ajoute multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Et je vous souhaite bon appétit, les aiglons. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'espérance bénie des élus est notre sujet. Nous avons vu que par les saintes écritures, les témoignages de Dieu lui-même, ushuda ya Mungu yeye mwenyewe, les témoignages des prophètes, ushuda ya manabii, les témoignages des apôtres, ushuda ya mitume, que le Seigneur qui nous a appelés en ce lieu, ile bwana ola alituita pa ifazi, alléluia, amen. C'est un Dieu de promesses infaillibles. Ni Mungu wa malako yasipokotola. Ces promesses sont infaillibles. Malako yake ayesikamo kotola. Ces promesses sont réelles. Malako yake ni ya kweli. Et ces promesses sont vraies. Na malako yake ni ya kweli. Alléluia. Amen. Il est le Dieu fidèle. Eko Mungu mwaminifu. Qui ne peut pas faire de vaines promesses ni de fausses promesses. Ashezi kufulaka malako ya bongo ya ovyo. Toutes ces promesses yote, qui se trouvent dans sa parole s'accompliront chacune après l'autre et s'accompliront pleinement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a loué le Seigneur. Ce psaume est merveilleux. Dans le psaume 138, Zaburi mia nous relisons toujours cela jusqu'à la fin de cette prédication. Versets 1 et 2. Je te célèbre de tout mon cœur. Na moyo wangu wote. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Naimba masifa yako muwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Je me prosterne dans ton saint temple. Mina inama mu ekalu yako takatifu. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Nashangilia jina lako kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya uaminifu wako. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Kwani kafumo yako inapanda sana kupitia kutimilika kwa malako yako. Alléluia. Amen. La renommée de ce Dieu que nous adorons. Kavumo ya huyu Mungu tukunaabudu. La renommée de ce Dieu qui nous a appelés à ce message. Kavumo ya huyu Mungu alituita kwa hii ujumbe. Le Dieu de ce message. Mungu wa hii ujumbe. Alléluia. Amen. Sa renommée s'est accrue à cause de sa bonté, sa fidélité. Kavumo yake inapanda kwa ajili ya wema wake na uaminifu wake. Il accomplit toutes ses promesses fidèlement. Eko natimiza malako yake yote. C'est pourquoi le témoignage de Paul dans le Nouveau Testament augmente encore notre foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle. Mungu eko mwaminifu. Alléluia. Amen. La parole que nous vous avons annoncée n'a pas été oui et non. Neno ile tulimitangazia ikukue ndio na hapana. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous. Kwani Bwana wa Mungu Yesu Kristo alihubiriwa katikati yenu. Par moi. Kupitia mie, kupitia Sylvain, kupitia Timothée, n'a pas été oui et non. Ashukue ndio na hapana. Alakini ndani yake mko paka ndio. Kwani pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Kwa yote yenye kuelekea malako yote ya Mungu. C'est en lui qu'elle est oui. Ni ndani yake ndio mko ndio. C'est pourquoi encore l'amène par nous. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Kwa tena amen kupitia sisi inasemewa kwa utukufu wa Mungu. C'est un Dieu qui a dit. Ni Mungu alisema. Je ne trahirai jamais les paroles sorties de mes lèvres. Siwezi kama kukosea maneno ilitoka mkinywa yangu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit quelque chose. Na ndugu Branham naye asema kitu kimoja. Dans la prédication Israël et l'Église, quatrième partie. Mumahubiri Israeli na kanisa kipande ya 4. Au paragraphe du 7, nukta yake ya 17, prêchez le 28 353. Il est rubriqué le 28 3 1953. Regardez, je regarde bien la date. Nazama niangali kwanza mzuri tare. Jéhovah juré. Jéhovah ire. Prêché. Yenye kubiriwa. Regarde bien la date. Angare mzuri tare. C'est la date que j'ai donnée là. Paragraphe 17. Anjo ile na nukta yake ni 17. Frère Branham dit. Duk Branham asema. Maintenant. Apa sasa? Nous voyons donc que même après 400 ans. Tunaona ya kwamba kisha miaka 400. Et même. Bobenyewe. C'est-à-dire Israël. Manake Israeli. Dieu avait promis à Abraham. Mungu alimulakaka Ibrahimu. Que sa postérité séjournerait 400 ans dans un pays étranger. Ya kwamba uzao yake itekalaka miaka 400 muinchi ya kigeni. Vous pouvez lire cela dans Genèse 16. Utawisoma mwanzo sura 16. Mais qu'elle en sortirait par une main puissante. Alakini tatoka kama kupitia mkono ya uwezo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce qui commence a une fin. Manake kyote kile kiko na mwanzo kiko na mwisho. Mena ili di. Sasa anasema. Les promesses de Dieu. Malako ya Mungu. S'accomplissent toujours. Iko natimilika kila mara. L'église n'a pas dit amen. L'église n'a pas dit kanisa amen. Kanisa isema amina. Frère, Nduku. Frère Branham déclare, Nduku Branham les promesses de Dieu ya Mungu s'accomplissent toujours. Iku natimilika kila mara. Dieu fait que sa parole soit toujours vraie. Mungu anajua ya kwamba neno lake iku paka ya kweli. Les témoignages de la roue prophétique de Dieu tourne lentement mais sûrement. Ah, ushuda ya unabii ya Mungu inatembea polepole lakini na uhakika. Oh, il dit les engrenages. Manake mangrenage. De la roue prophétique de Dieu. Ya umpeto ya unabii ya Mungu. Tourne lentement. Inatembea polepole. Mais sûrement. Lakini na hakika. Et la chose arrive. Na ile kitu iko nafika. Juste au lieu et au moment indiqué. Paka pafazi na muwakati ile Mungu. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu. Je vile Mungu wetu eko. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Malako ya Mungu kila mara ikupaka na timilika. Dieu fait que sa parole. Mungu yuko anafanya kwamba neno lake soit toujours vrai. Ibakie paka ya kweli. Les engrenages de la roue prophétique. Ma mipeto ya unabii. Alléluia. Amen. De Dieu tourne lentement. Ya Mungu yuko natembea polepole. Lakini na kitu chose arrive. Na ile kitu inafika. Juste au lieu. Paka pafazi. Et au moment indiqué. Na muwakati ile Mungu alitarishia. Alléluia. Amen. Malgré qu'Israël avait fait 400 ans en Égypte. Ata vile Israël alifanyaka miaka 400 mumisi. Dieu du ciel a accompli sa parole. Mungu wa kumbingu alitimiza neno lake. Nous aussi. Na sisi pia. Malgré notre séjour sur cette terre. Ata vile tumekala pa dunia muda mrefu. Je vous dis au nom du Seigneur. Ameambia mjina wa Bwana. Celui qui a fait la promesse du retour est vrai. Ule alilaka kwamba kurudi kwake ni kwa kweli. Siku moja, les hommes et les femmes défieront la force des pesanteurs. Wanamuke na wanaume watapinganisha nguvu ya kukokota vitu. Nous partirons comme Enoch. Tutaenda hakika sawa Enoki. Nous partirons comme Elie. Tutaenda sawa Elia. Nous partirons comme Jésus lui-même. Tutaenda sawa Yesu mwenyewe. Nous partirons comme les saints de l'Ancien Testament. Tutaenda sawa watakatifu wa Agano la Kale. C'est une vérité incontournable. Ni ukweli ila uwezi kwenda pembeni yayo. Hata kama tukikufa. La promesse de Dieu s'accomplira. Itatimilika. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Ukweli. Regardez comment Job avec espoir disait. Mwangarieni Yobu alikuwa na tumaini alikuwa anasema. Job dans l'Ancien Testament. Yobu mwagano la kale. Il était croyant de la promesse principale de l'Ancien Testament. Alikuwa mwaminifu wa malako ya msingi ya agano la kale. Quelle était la promesse? Malako ilikuwa nini? Annoncé par tous les prophètes. Ilitangaziwa na wanabii wote. C'était la venue du Messie. Ibaritamani kuja kwa Bwana. Alléluia. Masiya. Messi Messie devait venir. Masi alipashi kuja. Le parent rédempteur. Baba mkombozi. Il devait venir pour libérer le peuple de l'esclavage du diable. Alipashi kuja jwa ukomboa watu mubutumwa wa shetani. Mais regardez frère. Tazameni banduku. Job le croyant. Yobu mwaminifu. Sous les sangs de bête. Chini ya damu ya ndama. Il a fait l'espérance dans cette promesse là. Alifanya wonjo mwile malako ile. Cette espérance. Alléluia. Amen. Cette espérance tumaini, l'avait fortifié ngufu, dans sa souffrance. Mumateso yake. Même s'il était malade, atakama alikuwa mgonjwa, il avait la gale partout, maigre comme un clou. Ah. Il avait des plaies partout. Vous connaissez l'histoire de Job. Malgré cela, il n'a pas lâché prise. Ata vile ashikuachirie kamwe. Job par révélation. Job kupitia ufunuo. Il a dit même si alisema, ma chair est consumée. Hata kama mwili yangu inaugua, inalungua, inateketea. Mes yeux à moi. Macho yangu mimi. Pas les yeux de quelqu'un. Hapana macho ya mtu mwingine. Verra le Seigneur. Itamuona Bwana. Je sais. Mimi najua. Que mon rédempteur est vivant. Mkombozi wangu il se réveillera le dernier. Mes yeux à moi le verront. Alléluia. Amen. Et le jour où l'agneau de Dieu était cloué sur le bois du calvaire, le même jour il est descendu dans le paradis d'abord. Alléluia. Amen. Il est allé ouvrir la prison. Et quand il parlait, Abraham pouvait dire à Sarah, écoute la voix de celui qui nous parlait. Alléluia. Amen. Adam pouvait dire à Eve, Eva, écoute la voix du rédempteur, ya mukombozi, la semence du serpent beko ya, qui devait venir ya mwana et tracer la tête du serpent. Na kuponda kichwa ya nyoka. Alléluia. Amen. Et Job aussi disait, alisema, celui qui parle là, c'est mon rédempteur, mukombozi que j'avais dit que mes yeux le verront. Et quand il est arrivé devant la cellule où était Job, wakati alifika mchumba mule mulikuwa Yobu. Alléluia. Amen. Ses yeux, les yeux du rédempteur, macho ya mkombozi, et les yeux de Job se sont croisés. Frère, nduku, l'espérance qui était par la foi, imani, la foi était changée par la vue. Imani ilibadilika kuwa kuona. Alléluia. Amen. Job pouvait crier, aujourd'hui, leo hii, l'écriture, andiko, la promesse malako, est accomplie. Je vous disais que même si je serai dans le séjour de mort, mais mes yeux à moi le verront. Itamuona. Ça doit être la foi des élus. Nous aussi, mateule, même si nous mourons, vous croyez que mwamini ya kwamba, à la voix de l'archange, au son mkuma, de la trompette, tous les morts avec espérance ressusciteront. Et tous les vivants avec espérance seront changés. Ce sont des vérités incontournables. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. Est-ce que l'Église peut dire gloire à Dieu? Amen. Ce sont des promesses infaillibles. Nous n'avons pas un Dieu qu'il faut croire avec hésitation. Non, la mort même ne change rien. Alléluia. Amen. Même si je meurs aujourd'hui, mes yeux le verront. C'est la vérité, frère. Nous devons voir. C'est ça la foi des élus. Ce sont des vérités incontournables. Oh, mes frères et mes sœurs, les promesses de Dieu sont la vérité. Alléluia. Amen. Et dans la prédication, na mumaubiri, Jéhovah jurait, Jéhovah irait, Jéhovah jurait, Jéhovah jurait, prêcher le 29 juin 1956. Jéhovah Jireh prêcher. Jéhovah Jireh les rubiriwa. Le 13 juin. Le 13 juin. 1956. Paragraphe 50. Nukta ya makumi tano. Je vais au milieu là. Tasoma pakati kati. Je peux dire la partie B. Tasoma kipande ya pili. Frère Branham déclare. Ndugu Branham anasema. Vraiment c'était un homme de foi. Hakika alikuwa mtu wa imani. Il dit. Anasema. Si les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Kama malako ya Mungu haina ya kweli. Alors Dieu n'est pas vrai. manake kumbi na Mungu mwenye ana wakweli. Est-ce que l'église va dire amen? Amen. Si les promesses de Dieu ne sont pas vraies, alors Dieu n'est pas vrai. Kama malako ya Mungu aina ya kweli, manake na Mungu ana wakweli. Oh, quelle assurance. Hakikisho kani ile. Il dit. Anasema. Si les promesses de Dieu ne sont pas vraies, alors Dieu n'est pas vrai. Kama malako ya Mungu aina ya kweli, manake na Mungu mwenye ana wakweli. S'il n'est pas ressuscité de mort. Kama sikufufuke toka wafu. Est-ce que l'église croit qu'il est ressuscité? Eti kanisa munaamini ya kwamba alifufuka. Mais il n'est pas ressuscité selon ce qui était promis. Alifufuka kufuatana na ile barilaka. Et s'il n'est pas ce soir exactement le même qu'il était, kama mangaribi ya leo ana paka vile alikuwa, alors il n'est pas Dieu. Manake ana Mungu. Il est un Dieu historique. Eko Mungu tu wa hadisi. Et pas un Dieu ressuscité. Hapana Mungu wa kufufuka. Il serait tout aussi mort que Mahomet. Angekuwa mwenye kufa sawa Mahomet. Bouddha. Muga, Confucius ou tous les autres, voilà, bengi, voyez, munaona, mais lui, c'est yeye, un gars qui a défié la mort. Mungu la ripinganisha lufu. Ce soir, mangaribi il n'est pas dans l'histoire. Ana tena mwajisi, c'est un Dieu vivant. Ni Mungu mzima, c'est un Dieu réel. Ni Mungu wa kweli, et il confirmera toujours sa parole. Atendelea kuhakikisha neno lake. Frère, ça me donne moi la folie. Duku mie na inipatia bazimu. Comment un chrétien peut avoir l'hésitation, la peur? Namuna kani Mukristo anayesukwa na boka. Il n'y a rien qui m'arrive que Dieu est surpris. Hakuna kitu kia kunifikia kile kinamshitusha Mungu. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive. Yote ile natufikia. Croyez que Dieu l'a permis. Amini ya kwamba Mungu aliruhusu. Dieu qui a permis. Mungu aliruhusu. Croyez que. Amini ya kwamba. Il y a la promesse qui dit. Huko malako iko nasema. Tout ce qui a un commencement aura la fin. Yote yenye kuwa na mwanzo itakuwa na mwisho. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Hakuikalake mateso ya milele. Il n'y a pas de problème éternel. Hakuikalake mambo ya milele. Il n'y a pas de chômage. Hakuna ukosa kwa kazi kwa milele. Hakuna magumu ya milele. Yote yenye kuna mwanzo kikuna mwisho. Kile baaminifu banapashi kuamini. Il n'y a pas la stérilité éternelle. Hakuna butasa bwa milele. Non, c'est faux. Ni bia bongo. Placez votre foi. Weka imani yako. Sur les promesses infaillibles de Dieu. Yulu ya malako yasipokotola ya Mungu. Dieu ne peut pas renier sa parole. Mungu hawezi ukana neno lake. Sinon il va se renier lui-même. Kama haina vile atajikana mwenyewe. Non, ce n'est pas un Dieu comme ça. Hapana, haina Mungu wa vile. C'est pourquoi les paroles de promesses. Ndio kwa maana maneno ya malako. Suscite toujours l'espérance bénie dans la foi des élus. Kuna alamusha kila mara tumaini yenye ubarikiwa ndani ya imani. Les élus. Bate ule. On la foi. Beko na imani. Placé dans ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Yenye kuwekwa yulu ya kile kilitoka mkinywa ya Mungu. Vous dites amen. Amen. Pour un élu. Kwa mteule. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Wakati Mungu anasema, anasema. Hautatoshe un élu ça. Tu ne peux pas obtenir attend que Dieu parle. Muteule anachunga Mungu aseme. Il s'accroche. Anambatana nayo. Que les choses montent. Bintu bipande. Que les choses descendent. Wale bishuke. Enelui reste accroché. Muteule anabakia mwenye kambatana nayo. Amen. Nous avons vu hier. Tuliona jana. Si un caporal dans un royaume. Kama caporal mufalme ya watu. Il s'est accroché aux paroles sorties de la bouche de son roi. Ariambatana na ile ilitoka mkinywa kya mfalme wake. Alléluia. Amen. Et cela a eu les effets dans sa vie. Na ile ilikuwa na matokeo mu maisha yake. Qu'en est-il de toi et moi? Sasa itakuwa je? Nous sommes le roi des rois. Tuko na mfalme wa mfalme. Le Seigneur des Seigneurs. Bwana wa mabwana. Tout ce qu'il a dit dans la parole. Yote ile alisema mneno lake. Amen. Iko ndio na amini. Muamini. Dieu n'a jamais dit. Mungu ashia sema. Quiconque vient à moi. Yeyote na. Il est maudit, non? Anakuwa kwangu analani wapanda. Dieu a dit. Mungu alisema. Vous êtes béni. Mungu benye ubarikiwa. Limitez-vous à ça. Mushimamie pale. Oh mon père a dit. Oh baba yangu alisema. Ma mère a dit. Mama yangu alisema. Je vous dis, mon oncle avait dit. Muyomba yangu alisema. Je vous dis que toutes les paroles des hommes n'ont pas les effets sur les élus. Misemo yote ya bantu haina na matokeo. La parole dit. Kwani neno nasema. La parole de la promesse. Neno malako inasema. Toute arme forgée contre vous. Sila yote ile bana mitungia. Sans effet. Haina na matokeo. C'est la promesse. Ni malako. On formera des complots contre vous. Batakutungia mapu juu yako. On vous fera la guerre. Batakukombanisha. Mais on vous vaincra pas. Alakini batakuwina. C'est une parole de promesse. Ni neno ya malako. Alléluia. Amen. C'est lui qui dit la chose. Yule anasema kitu. Et la chose arrive. Kitu c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Et laissez-moi vous dire encore. Wacha niambie tena. Toute malédiction sans cause. Lana yote yasipo sababu. Unanichukia tu. Kimai sans cause, je ne t'ai rien fait de mal. Zéro faute. Akina na matokeo. C'est sans effet. Akita kwa na matokeo. Alléluia. Amen. La parole peut avoir les effets. Neno inesikuwa na matokeo. Si réellement il y a la cause. Kama hakika kuku sababu. Mais s'il n'y a pas la cause. Kama kuna sababu. Pas d'effet. Akuta kwa matokeo mbaya. Même si tous tes collègues de service se complotent contre toi, si Dieu n'est pas dans cette réunion-là, zéro. Pour que la chose résiste, il faut que Dieu soit aussi présent, que Dieu aussi croit ce qu'il dit, mais aussi longtemps que notre Dieu n'est pas dans cette réunion-là, rien n'arrivera. N'ayez pas peur, Église. Lancez votre foi, ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. C'est la vérité. Ni kweli. Et Paul dit à Tite. Paulo anamwambia Tito. Ce sont les paroles dignes de foi. Ni misemo ya kustahili kuamini. L'espérance des élus. Tumaini ya wateule. C'est une espérance vivifiée, engendrée, suscitée par les promesses infaillibles de Dieu. Tumaini yenye kulamushwa na malako yasipokotola ya Mungu. Tite chapitre 1. Tito sura ya kwanza. Dites après Timothée. Nikisha Timothée wa pili. Il dit ceci. Asema hivi. Verset 1 et 2. Musari ya kwanza na apili. Paul. Paulo. Serviteur de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Et apôtre de Jésus Christ. Na mutume wa Yesu Kristo. Pour la foi des élus de Dieu. Juu ya imani ya wateule wa Mungu. Alléluia. Amen. Apôtre de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu. Mutume wa Yesu Kristo juu ya imani ya wateule ya Mungu. Et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Na ya ufamu ya ukweli yenye kuwa kufuatana na utawa. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Yenye kuikala yulu ya tumaini ya bushima ya milele. Promise. Il est barilaka avant tous les siècles. Mbele ya miaka yote. Promise par qui? Yenye kulakiwa na par le Dieu qui ne ment point. Kwa Mungu la silandake kamwe. Est-ce que l'église me dit amen? Amen. Promise. Il est barilaka avant les siècles. Mbele ya miaka. Pas par n'importe qui. Hapana kwa azuru mtu gani. Par Dieu qui ne ment point. Lakini kwa Mungu la silandake. Frère, il faut que nous yoyumu. Il faut connaître mieux ce Dieu ici. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons l'espérance. La foi des élus est ancrée dans les paroles de promesses faites par le Dieu qui ne ment point. Et la Bible dit dans Romains 3 que tout homme soit considéré comme menteur. C'est le Dieu qui soit considéré comme vrai. Alléluia. Amen. Et Paul a été fait apôtre pour la foi des élus. Les élus qui ont l'espérance éternelle. Cette espérance basée sur les promesses de Dieu qui ne ment point. Yulu ya malako ya Mungu yasipo kukotola. La foi des élus. Imani ya wateule. C'est la foi des prophètes. Ni imani ya manabii. Et des apôtres. Na imani ya mitume. Je ne crois aucun prophète qui n'était pas un élu. Mishiamini hata nabii moyo ule asikwe mteule. Amen. Amen. Il n'y a aucun apôtre qui n'était pas un élu. Akukwe mtume. Sauf le fils de la prédiction Judas. Il n'était pas élu. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Les élus sont aussi appelés. Mais tous les appelés ne sont pas élus. Je parle de la foi des élus. Les élus donnent raison à Dieu en toutes choses. Les élus. Dieu leur a donné la révélation de comprendre que toutes choses qui leur arrivent arrivent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mungu arriba pacha ufunuo ya kuelewa kwamba vitu vyote vikunafika juu ya bizuri ya wateule ya Mungu. Apparemment c'est une chose mauvaise. Wakonekana kitu kibaya. Mteule. A la révélation. Eh, kuna ufunuo. Que tout ce qui m'arrive. Ya kwamba ile yote inanifikia ni juu ya bizuri byangu. Les élus. Mateule. Ils chantent. Beko na imba. Tout concourt pour mon bien. Yote biko kwa kujua bizuri byangu. Alléluia. Amen. Quand la misère vient, wakati mateso inakuja, elle travaille pour mon bien. Kuna tumika juu bizuri yangu. Quand la détresse vient, wakati magumu inakuja, ni juu bizuri yangu. Un élu ne peut pas crier. Mteule hawezi kulalamika. Hata mateso. Oh Mungu wapi? Nitamwacha. Il ne voit pas. Un élu croit que Dieu voit. Mteule yuko naamini asema Mungu anaona yote. Kama uko élu, si tu es un élu, tu verras que tu es un élu. Je répète, un élu est arrivé, les élus sont arrivés au niveau de Dieu, toutes choses concourent au bien. C'est pour les élus que nous chantons. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Aujourd'hui, Léo, ce qui m'arrive, je ne peux pas le comprendre, kuyelewa, mais plus tard, masiku, je saurai. Un élu ne parlote pas dans les circonstances. Un élu est constant. Il sait que imara, tout ce qui m'arrive, Léo, c'est pour mon bien. Quand on saisissait Joseph, wakati barikuwa na mubamba Yusufu, on laissait bari muchukia, par ses frères. Kwa banduku yake. Quand s'il y avait un voisin, kama kulikuwa jirani, un voisin pouvait dire, jirani aruwezi kusema, mais toi, toi, toi, ça. Mais cet enfant beaucoup souffert. Pourquoi on l'a eu sans cause? Ce n'est pas sans cause. Beko na kusukuma ku gloire. On te pousse ku utukufu. Alléluia. Amen. Même nous aussi. Anasisi pia. Les souffrances que vous voyez dans le monde. Mateso ile munaona mudunia. Pousse à la gloire. Iko na tusukuma ni ku utukufu. Nous allons nous envoler comme les aigles. Mwenda masiku tutaruka sawa ndani. Utukufu. Nous dirons la terre. Au revoir. Alléluia. Amen. Frère. Nduku. Le voisin pouvait dire. Jirani angesema. Oh yo. Oh. Akato, toto. Mais cet enfant ici. Banaka pika. On le fouette. Amen. Amen. Amen. Amen. Jusqu'à le vendre. Kufika na kumuzisha. On l'a frappé. Bari mupiga. On l'a mis dans la dans le trou. Bari mutupa munshimo. Citerne. Munshimo. Trois jours, trois nuits. Masiku tatu na mchana sans eau à boire. Bila maji ya kunwa. Joseph gémissait. Yusufu alikuwa na ugua. Apparemment abandonné de Dieu. Wakonekana Mungu alimwacha. J'ai dit apparemment. Wakonekwa kuwazia. Même toi la manière que tu vis maintenant. Atawe, apparemment les gens disent que tu n'as pas Dieu. Unaweza kuzania sema una na Mungu, lakini mimi nakwambia Mungu yuko kungambo yako. Tu dois perdre courage. Ah, hawezi kuacha imani. Apparemment ma soeur, wakonekana. Si Dieu t'a abandonné. Inakuwa sawa Mungu anakuacha. Mais réellement il ne t'a pas abandonné. Lakini uhakika Mungu asikuache. Anakupeleka ni kutukufu. Dada. On l'a vendu. Bari muzisha. C'était malheureux. Alikuwa waole. Il disait. Na kusema. Katateso katayu. Il va souffrir. Il sera. Ni wewe ndio unasema. C'est toi qui le dis. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Aujue mapu ya Mungu kuhusu huyu mtu. Même ce soir. Hata mangaribi ya leo. Celui qui est à tes côtés. Ule ko pembeni. Ne connais pas le programme de Dieu. Asijue mapu ya Mungu kuhusu maisha yako. Joseph partait ligoté. Yusuf alikuwa anaenda maisha mfunga kamba. Ses frères disaient, nous avons gagné le pari. Oh, tu n'as pas, tu n'as mouina. Là où il est allé. Kula lienda. Malheur sur malheur. Aole, yule, aole. Mateso, yule, mateso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'a regardé parmi le quoi, les esclaves là. Bari mwangaria katikati ya batumwa. Allez, toi. Wey. Allez, va travailler dans la maison de Potiphar. Wendo tumike mu nyumba Potiphar. Arrivé là-bas. Kufika mule. Notre mère arrive. Mateso ingine na mufikia. Dieu lui avait donné une beauté, un garçon beau. Mungu alimpatia burembo, kiana mwanaume murembo. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar l'a envié. Muke wa Potiphar na anamtamani. Ce n'était pas la beauté du visage. Haikuwa buzuri wa uso. Un élu est toujours beau. Muteule wa Mungu anekala pa murembo muzuri. Alléluia. Amena. Même Moïse, Ata comme Moussa, il était un don, il était zawadi, alikuwa ni murembo mzuri. Ce qui fait notre beauté, ile nafanya buzuri ce wetu, sont les vertus de la parole. Ni utawa wa neno la Mungu. Est-ce que l'église veut dire amen? Amen. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Il a gardé la parole. Alichunga neno la Mungu. Dans la souffrance. Mumateso mule. Et la femme a dit, na ule mwanamke akamwambia, je t'envie, mina kutamani, je t'aime, mina kupenda, je m'offre à toi. Mina jitolea kwako. La femme du numéro un d'une nation. Muke wa araisi wa inchi mteule. Qui s'offre à toi, toi l'esclave de sa maison. Anajipeleka kwako kwa wewe mtumwa wa nyumba. Si c'est tais-toi, kama ingekuwa wewe, tu allais dire, ungesema chance. Ah, bati kani. Ni ye moya. C'est elle-même qui s'est offert. Frère, un élu défendra la parole. Où t'es où dans n'importe quelle circonstance. Attends, mambo ya. Alléluia. Amen. Si c'était toi, kama ingekuwa wewe. C'est pas moi qui l'ai courtisé. C'est elle-même. Qu'est-ce we? Que j'allais faire, frère? Mais tu allais faire ce qu'il a fait. La portion de Dieu en lui. La portion de Dieu en lui. La parole de Dieu en lui. La lui a donné la force de résister. Il a donné la force de résister. Et la parole que nous écoutons, qui est prêchée dans cette chair, donnera aux élus la capacité de résister au mal. Il t'a battu où les ouais, ça vous dit que vous voyez, frères et sœurs, Dukuna dada, tout cela il yote, concourait pour accomplir la promesse de Dieu. Il kwa kujui pate kutimiza malako ya Mungu. Que ce soit mal, ikiwe bibaya, que ce soit bien, ikiwe bizuri, mais Dieu accomplira sa parole. Mungu atatimiza neno il lake. Il avait dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans tumwa, une terre étrangère. Mais kigeni, comment ça allait arriver? Sasa bilipashi ufika je. La femme a crié. Ule mwanamke akalalamika. Joseph a couru la fui. Yusuf akakimbia. Fuyez le mal, mes frères. Ukimbie bubaya nduku. Frère et sœur, fuyons le mal. Tukimbie bubaya. Il a laissé sa veste. Akacha koti yake. La femme est restée avec la veste. Mwanamke anabaki na koti yake. La femme pleurait. Anaendelea kulia. Oh, regardez ce que c'est esclave. Qu'il est au bout de songe avec preuve. Budanganifu, lakini na hakikisho. Frère, na kulandia mambo. Même si on te calomnie. Ne te défends pas toi seul. Apana kulikombania si umyewe. Si tu es innocent, le ciel va te défendre. Bingu ita ukombania. Moi, je ma kanya il faut pas parler de le choses. Le ciel est témoin de Bingu, iku mshuda wile mambo. Ceux qui disent, oh, mwanamke huyu ni ndumba, acha baseme, mais ton cœur est témoin. Laissez-les parler, le ciel est témoin. Mbingu ni ushuda. Frère et sœur, nduku na dada, la femme a pleuré. Ule mwanamke anaria, montrant une preuve, akikisho yoyo, mensonge, bia bongo, avec preuve. Alakini na akikisho. On appelle Joseph. Bakaita Yusufu. Est-ce que à qui appartient ce veste? Hii nkoti ni ya nani? C'est à moi. Ni yangu mimi. C'est arrivé dans la chambre du roi Koma. Iringia mchumba ya mfalme na mna gani? Ferme la bouche. Mimi ndipenda kufanya. Alifunga kinywa. Il n'avait pas le temps de défendre. Ashikwe na wakati ya kulitetea. Oui, même si je manque le temps. Ataka mimi nakosa wakati ya kulikombania. Le Seigneur aura atakuwa na wakati ya kunisemelea. Et on a pris Joseph. Barichugua Yusufu. On l'a mis en prison. Awana mutupa mkifungo. Le malheur atteint souvent les justes. Inafikia kila mara. Mais le Seigneur en délivre toujours. Bwana yuko na makombola kila wakati. Imandako ya Biblia. Le Dieu de ce message, Mungu wa ujumbe, frère, c'est un Dieu réel. Nduku ni Mungu wa kweli. C'est un Dieu vrai. Ni Mungu wa kweli. Quand tu crées seulement Dieu, uogope tu marches dans sa volonté. Unatembea mapenzi yake. Tout ce qu'on peut t'accuser, yote batakushtaki. Un jour le Seigneur te défendra. Siku moja Bwana Mungu atakusemelea, atakusemelea. Alléluia. Amen. Frère arrivé en prison. Nduku kufika mukifungo. Quel malheur. Mateso gani. Apparemment. Kwa kuonekana. Abandonné de Dieu. Mwenye kuachiliwa na Mungu. Même toi ce soir. Ata wei magharibi. Quand on te regarde. Wakati tunakuangalia. C'est comme si tu n'as pas Dieu. Ikunaonekana saa hauna na Mungu. Mais je te dis ce soir. Alakini mimi nakwambia magharibi ya leo. Je te fortifie ce soir. Nakutia moyo magharibi ya leo. Mungu wa malaika asipokotona. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Alisema sitamiachaka kamwe. Je ne vous abandonnerai point. Siwezi kamwe kumiachilia. Est-ce que vous croyez que c'est une promesse? Unaamini asema ni malaika ya Mungu. Je ne vous laisserai point. Siwezi kamwe kumiacha wa yatima. Je serai avec vous. Takuwa na mweye. Tous les jours. Kila siku. Jusqu'à la fin du monde. Kufika na mwisho wa dunia. C'est lui qui a dit cette parole. Malako. Il est vrai. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Frère, lundi. Muteule. Lundi. Mukajimoya. Il est avec moi. Eko pamoja nami. Mardi. Mukajimbili. Il est avec moi. Pamoja nami. Mercredi. Mukazitatu. Il est avec moi. Pamoja nami. Jeudi. Mukazine. Il est avec moi. Eko nami. Vendredi. Mukazitano. Il est avec moi. Samedi. Il est avec moi. Poche eko pamoja nami. Dimanche. Il est avec moi. Musiku wa yenga pamoja nami. Comment tu dis ça, frère David? Je l'ai dit puisque lui-même a dit. Na isema Dieu mwenye alisema. Le mensonge ne sort pas de ses lèvres. Bongo awezi kutoka mkinyake. Il a dit je serai avec toi. Alisema atakuwa na wewe. Tous les jours. Kila siku. Je crois que il n'y a aucun jour où Jésus est absent à côté de Yesu de hasta kuyapo. Si la chose m'arrive, c'est lui qui l'a permis. Et quand cela permis, il connaît l'issue. Selon sa promesse. Est-ce que cette église croit? Mais pourquoi vous avez peur? Comment je peux vous dire aujourd'hui, j'en ai peur des fois. Comme Jésus disait, mais basez votre foi dans les Écritures. C'est lui qui a promis que je serai avec vous tous les jours. Est-ce qu'il a déjà retiré cette promesse? Comment? Ce qui m'arrive ici, est-ce que Dieu ne le voit pas? Je vois que le message ici me fatigue. Va-t'en, tu n'es pas un élu. Laisse-nous, nous sommes là. Alléluia! Amen. Que les élus prennent courage ce soir. Bateule va quoi na odari na kali ya. Ba muamini ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Wewe kuna wazo ke mimi hapa mkambo. Tu penses que moi ici à Kambova. Que Dieu puisse être dans l'ignorance. Je ne sais pas où chilenge David. Mishiwe kule David chilengeko? Hapana, hapana. Bongo yako. Ça c'est faux tu es mentant. Mafie bao. Ukuna bongo. Ukuna landa. Alléluia. Amen. Ukushima. Ukuna landa. Moi je crois que amini ya kwamba Dieu est avec moi. Mungu yuko pamoja nami hapa. Il contrôle même pas. Eko naongoza matua yako. Je promesse qui dit. Dieu alikuwa na kwa nasema. Contrôle les pas de juste. Mungu yuko naongoza matua wenye haki. C'est vrai. Bia kweli. La femme a pleuré. Ule mwanamke akalia. Yosefu. On a jugé. Bakakata mambo. On a condamné Joseph. Bana mukumu Yusufu. Est-ce que le ciel l'avait condamné? Eti mbingu na yeri mukumu? Non. Apana. Tout concourt pour moi. Bio tebikuwa kujua bizuri bietu. Alléluia. Amena. Joseph en prison. Yusufu mukifungo. Dieu donne les songes. Mungu akaleta ndoto. À son coéquipier. Wa jirani wake mukifungo. Na mwingine. Frère. Nduku. On peut lier le corps, mais on ne peut pas lier un don. Que Dieu vous bénisse. Frère et soeur, arrivé en prison, ufika tu mukifungo, Joseph a donné l'interprétation. Yusufu akafasili ya ndoto. Écoute ce qui va arriver. Sikia ile itakufikia. Écoute ce qui va arriver. Na wewe mwingine usikie ile itakufikia. Les choses sont arrivées ainsi. Bile bitu bilifika paka vile fasilia. Sasa tazameni. L'autre a été tué. Umoya bari muua. L'autre a été mwingine élevé. Baka mtosha na kumpandisha cheo. Tel qu'il a été dit. Paka vile alisema bio. Puisque Joseph était le type de Jésus-Christ. Du Yusuf alikuwa ni picha ya Yesu Kristo. Dans ses souffrances. Mu mateso yake. L'un des prisonniers. Mmoja mfungwa. A été il était mort. Alikufa. Condamné. Mwenye kukumiwa. Et l'autre est allé avec lui au paradis. Mwingine alienda naye mparadiso. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Frère. Nduku. L'homme là à qui on avait interprété les sons. Ule mtu bari fasilia ndoto. Il a fait beaucoup de commentaires avant sa sortie de prison. Alisema bia mingi mbele yake kutoka mukifungo. C'est qu'il donnait des promesses à Joseph. Arianza mulaka Yusufu. Ndio mambo yangu hili. C'est ça mon problème. Il donnait les promesses. Akamulaka sana Yusufu ya mingi. Unaona? Quand je sortirai. Pale tu ntatoka. Comme tu as dit. Vile unasema hivi. Mimi je ne t'oublierai pas. Sitakusabwaka kama. Sitakuacha. Ndoku. Ne basez pas votre foi sur les promesses des hommes. Ushiweke imani yako pa malako ya bantu. Placez la foi sur les promesses de Dieu. Weka imani yako pa malako ya Mungu. Amen. Même sorti de la prison. Kutoka il a oublié Joseph. Anaenda kumusabu Yusufu. Frère, Nduku. Combien des hommes nous ont promis? Bantu ngapi bari tulaka. Ils ont fait des promesses. Bari laka laka. Si l'homme accomplit la promesse, kama mtu akitimiza malako, c'est Dieu qui a accompli. Manake ni Mungu ndio anatimiza. Mungu ndio anagusa moyo wake. Ana mtu. C'est lui qui promet. Ule kona laka. Accompli avec fidélité. Na kutimiza na uaminifu. Ni paka Mungu. Tu peux promettre à quelqu'un. Unaweza kulaka mtu. Demain, Kesho. La nuit humaine, usiku nakufa. Mais notre Dieu, alakini il mourra quand? Atakufa si ugali. Lui, c'est un roi éternel. Yeni mufalme wa milele. Il a la vie éternelle. Eko na bujima il milele. Fait sur ses promesses. Eko na kesha yulu ya malako yake. L'homme a oublié. Ule mtu ula, kamusabu Yusufu. Anakuwa paka mafura. Il est dans sa joie. Mais, alakini, quand le temps est arrivé, wakati pale rifika, dans la vie de chaque élu, umaisha kila mteule, il y a le temps de Dieu qui arrive. Wakati ya Mungu ile nafikaka. Est-ce que l'Église veut dire amen? Amen. Je te dis ma soeur, nakwambia dada yangu, je te dis mon frère, nakwambia ndugu yangu, il y a ton temps qui arrive. Muku wakati yako ile kunafika. Faraon a yakalota ndoto. Pas d'interprétation. Hakuna wa kuitafsiri. C'est alors que l'homme se souvient. Ndio pale sasa ule mtu akakumbuka. Moi je ne dis pas que cet homme s'est souvenu. Mimi sema sasa ule mtu alikumbuka. C'est Dieu qui lui a rappelé. Ni Mungu ndiye alimkumbusha. Hallelujah. Amen. Comme on a un autre monde anakusaidia. Quand tu vois quelqu'un qui t'aide. C'est Dieu qui l'a suscité. Ni Mungu ndiye anamsukuma. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi la promesse dit je sema, suis Dieu qui crée le vouloir et Mungu, le faire. Ule kuna tunga, kutaka na kutenda. Même ton grand frère qui est en Europe là, puisque Dieu ne l'a pas encore touché. Kama Mungu yevalo kumugusa c'est mulo. Dieu qui crée le vouloir et le faire. Ni Mungu yeko njona tunga, kutaka na kutenda. Je vois des frères qui posent des questions. Kama ndugu yangu yako mubulaya, si mon frère est en Europe, kama ni $1,000, et qu'il m'envoie $1,000, est-ce que je peux payer la dîme? Il m'a question. Oui. Ça, ce sont des questions des gens qui n'ont pas la foi. Tu veux qu'on te réponde que non, il ne faut pas payer la dîme. Moi, je te dis, c'est faux. Je te dis que, honore Dieu, puisque si Dieu n'a pas touché cet homme, il ne te donnera rien. Remercie Dieu. Cet argent comment on fait? Que puis-je faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu cherches qu'on te dise? Mange alors ton argent. Lorsque ça va se terminer, qu'on voie un peu là où tu auras encore d'autres. Puisque Dieu est capable de fermer le cœur de celui qui te donne là. Alors, tu accepteras que tout vient de Dieu. Disons que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Réunions Dieu, mon frère. Ma question. Arrêtons des questions. Mitego. Un enfant de Dieu remercie Dieu. On a shukuru Mungu mu mambo yote. Alléluia. Amen. Dieu a touché le cœur de cet homme. Cet homme a dit à Pharaon. Il m'a Pharaon. Il y a quelqu'un en prison. Huku muntu mwa mukifungo mule. Frère et soeur. Nduku na dada. Il y a quelqu'un. Huku muntu. Il nous avait aidés. Il peut t'aider aussi. Joseph en prison. Il a vu les militaires venir. Il a vu que c'était des bourreaux. Où est Joseph? Où il dit, je suis là. Yeah, allez, entre dans la douche. Allez, ingia unawe. Enlève tes habits sales. Ah. Ah. Oh, vraiment, il n'y a pas. C'est Dieu, ramasse. C'est ce qu'on a jeté. Ah, laissez-moi le dire ici. Là où il y a des choses négligées, c'est là que Dieu tend la main. Il élève, c'est Dieu ici. Notre Dieu élève. Mungu wetu ananyanyua. Mungu wetu anashusha. C'est un Dieu de promesses infaillibles. Ayez l'espérance en Dieu. Mumutumainie huyu Mungu. Joseph enlève les habits. Yusuf anatosha mavazi ya buchafu. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Et on lui donne de beaux habits. Manampacha mavazi mupya ya mzuri. C'est un Dieu qui peut changer le statut d'un homme. Manake ni Mungu ule kona badilisha cheo ya mutu. Ali ya mutu anabacha. Amen. Il a enlevé David derrière le brebis. Alinyanyua Daudi aruka mbele ya mbele. Il lui a fait roi. Anamufanya kwa mfalme. En Israël. Mu Israël. C'est le Dieu de ce message. Jo Mungu ayu. C'est le Dieu de la Bible. Jo Mungu wa Biblia. C'est le Dieu que nous croyons. Ule tunami. Le Dieu des prophètes et des apôtres. Mungu wa manabii na ba mitume. Un Dieu qui change le temps, Mungu le kwa nabadilisha nyakati, na kubadilisha mambo ile kunafika kufuatana na malako yake. Joseph bien habillé. Yusuf anavua la sasa mzuri. Il voit tout le monde en train de le respecter. Anaona watu wote wako namheshimia. Peut-être c'est la mort. Oh, hapa ni kufa. C'est pas la mort. Hautakufa. C'est la vie. Ni kuzima. Toutes choses concourent au bien. Bintu biote bikwa ko juu ya bizuri ya. Si tu vois que les choses ne marchent pas, kama unaona vitu ne force pas. Hapana kubikaza. Accepte d'abord. Ichikie ave kwanza. Puisque tu ne connais pas. Jua uyue. C'est que Dieu est en train de t'enseigner. Ile Mungu yako nakufundisha. arriver devant le roi. Ufika mbele ya mfalme. Est-ce que tu peux me donner le songe que j'ai eu? Et tu unaweza kunikumbusha ndoto ile mirilota? Et l'interprétation. Na ulete matafsiri yake. Les hommes de Dieu sont toujours humbles. Batumishi ya Mungu banekalaka banyenyekevu. Il a dit moi je n'ai pas cette capacité. Anasema mi shina na ile uwezo. Mais j'ai un Dieu. Lakini niko na Mungu mmoja. Alléluia. Amen. Un Dieu qui révèle le mystère. Mungu ule kunafunua masiri. Un Dieu qui révèle les choses cachées. Mungu ule kunafunua vitu ya kufichama. Amen. Demain matin. Na kesho asubuhi takuya kuona. Donnez-lui d'abord du lait qu'il boive. Donnez-lui le pain. Là, ce frère croyait qu'il est déjà mort. C'est toi qui le dis ainsi. C'est toi qui me fais du mal. Mais Dieu ne fait pas du mal. Alléluia. Amen. Le matin, Joseph arrive. Asubuhi Yusuf anafika. Dieu de promesse infaillible. Mungu wa malako asipokotola. Dieu qui console celui qui met son espérance en lui. Mungu le kuna fariji yule anamtumainia. Alléluia. Amen. Frère. Nduku. L'espérance dans le Dieu qui fait des promesses, un Dieu qui ne ment pas. Matumaini ndani ya Mungu le kuna laka na Mungu la shilanda. Il n'avait pas menti à Abraham. Mashia mulandaka Abraham. Alléluia. Amen. Il lui a dit voilà, voilà, voilà, voilà, tazama, voilà. Tazama, tazama. Ça veut dire ça, ça, ça. Il, manake, ni, il y aura la disette. Il faut faire ça. Njala, faisons fanye, ça. Mufanye, alléluia. Amen. Frères et sœurs. Nduku na dada. On a dit. Bakasema. Le chargé de cette prévision-là. Wa kuchunga akiba hii chakula yote. C'est toi. Ni paka weye huyu. Frère. Nduku. Il est devenu le number one. Anakuwa wa kwanza. Quand Joseph passe, wakati Yusuf anapita, les trompettes sonnent. Maparapanda tout nalia. Le monde dort par terre. Watu wote wanainama chini. Alléluia. Amen. Frère, c'est ce même Dieu que nous prêchons ce soir. Jo Mungu moyo moyo ule tukunaubiri na imagaribi. Je ne sais pas ce que Dieu fera avec un frère demain. Nishiyue kile Mungu atafanya na ndugu moyo kesho hapa. Je ne sais pas qui Dieu est en train de parler. Ni nani ule Mungu yako naambia. Je t'entends parler à quelqu'un ici. Ah, mimi nawazia kuku mmoja hapa. Frère et sœur. Nduku na dada. L'élévation ne vient ni de l'Orient. Kunyanyuliwa kutoke wala kwa subuhi wala kwa magharibi. L'élévation vient de l'Éternel. Kunyanyuliwa kunatokea kwa Mungu. C'est Dieu qui bénit. Mungu ndiye anabariki. Selon ses promesses. Kufuatana na malako yake. Alléluia. Amina. Frères et sœurs. Huku na dada. Les promesses de Dieu. Malako ya Mungu. So oui, amen. Huko ndiyo na amina. La foi des élus. Imani ya bateule. C'est la foi biblique. Imani ya Biblia. C'est la foi des apôtres. Imani ya mitume. C'est la foi des prophètes. Imani ya manabi. C'est la foi d'Abraham. Imani ya Ibrahimu. C'est la foi même de David. Ni imani tena Daudi. Alléluia. Amen. Nous parlerons de la foi d'Abraham. Utasemezea kuhusu parlons un peu de la foi de David. Tuseme kwanza kuhusu imani ya Daudi. Regardez dans Psaume 119. Tazameni Mazaburi 119. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Eti mteula anaelewa maneno haya. Psaume 119. Mazaburi 119. Qu'est-ce que le Seigneur dit. Bwana anasema nini? Écoutez frère. Musikilize bantu. On peut terminer même par là. Tunaweza kuishia hata pale. Demain nous allons continuer. Kesho tutaendelea. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regardez dans Psaume 119. Tazameni Mzaburi 119. Tuisome kwanza. Toute la vie d'Eneli. Maisha yote ya mteule. La vie d'Eneli est ancrée dans les promesses de Dieu. Maisha ya mteule ina wananga mumalako ya Mungu. Oh c'est vrai. Vous avez bien interprété mon frère. Ah. Reprends encore ça. Maisha muteule natia nanga mumalako ya Mungu. Regardez dans le Psaume 19. Mazaburi 119. Au verset 33 à 38. Mustari makumi tatu na tatu makumi tatu na munane. Il dit enseigne-moi Éternel la voie de tes statuts. Anasema unifundishe Yehova manjia ya masheria yako. Pour que je les retienne jusqu'à la fin. Junipate kuishika hadi mwisho. Donne-moi l'intelligence. Unipatie akili. Pour que je garde la foi. Junipate kuchunga sheria. La loi. Sheria. Et que j'observe de tout mon cœur. Nipate kuchunga na moyo wangu wote. Conduis-moi de la sainteté de tes commandements. Uniongoze mungia ya maamuri yako tunaipenda. Uinamisha moyo wangu. Vers tes préceptes. Mbele ya magizo yako. Et non vers les gains. Hapana mbele ya faida. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Ondosha macho yangu isiangalie vitu vya uchafu. Fais-moi vivre dans ta voie. Ufanye niishi mungia yako. Accomplis. Utimize envers ton serviteur. Mbele ya mtumishi wako. Ta promesse. Malako yako. C'était ça la prière de David. Ndio ilikuwa maombi ya Daudi. accomplisse pour ton serviteur. Utimize juu ya mtumishi wako. Ta promesse. Malako yako. Au verset 41, il dit. Usali ya makumi na moja ansema. Éternel. Jehovah. Que ta miséricorde vienne sur moi. Rema yako ikuwe juu yangu. Est-ce que les élus peuvent dire aussi ça? Amen. J'ai dit au nom du Seigneur. Que la miséricorde du Seigneur. Rema ya Bwana. Vienne sur chacun de nous. Ikuwe juu ya kila moja wetu. Mungu tusikie kubuluma. Ne ipite de nous. Amen. Amen. Ton statut, ton salut, selon ta promesse. Le salut de Dieu n'est pas seulement la rédemption de nos âmes. Quand tu es dans un problème difficile, tu as besoin du salut. Tu as besoin du secours. Que Dieu te sauve de ce malheur. Il nous a sauvés et chaque jour il nous sauve. C'est la vérité. Dieu peut te sauver de la crise. Alléluia. Le salut accompli au calvaire. C'est le salut de nos âmes. Mais selon les promesses qui accomplit chaque jour le salut dans nos vies. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre du chômage. Mungu akokole kutoka kukosa kwa kazi. Que Dieu te délivre des maladies. Mungu akokole kutoka magonjwa. Que Dieu te accorde le salut dans ta maison. Nyumba yako. Il est le Dieu réel. Mungu wa kweli. Avec des promesses réelles. Na malako ya kweli. C'est pourquoi David dit. Ndio maana Daudi asema. Mon âme espère. Nafsi yangu inatumainia. Mon âme espère en l'Éternel. Nafsi yangu inamtumainia Yehova. Et j'attends sa promesse. Na niko nachunga malako yake. Oh, c'est la vérité. Ni kweli. Au verset 49. Mstari wa 49 na 50. Et 50 il dit. Na 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Est-ce que les gens me diront amen? Les promesses de Dieu vivifient notre foi. David, je le savais. La promesse me donne la vie. Oh, c'est merveilleux. Au verset 57 à 59, il dit, ma parole éternelle, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Comme Joseph, qui a ta part, quand Dieu parle, ta part, un élu de Dieu, garde la parole. Il dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi. Selon ta promesse. Oh, c'est la vérité, frère. Toute la vie d'un Eli est ancrée dans les promesses de Dieu. Eli dit au verset 65, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Tous les biens que nous recevons de Dieu, ça se repose dans la promesse. Et David le savait. Frères et sœurs, regardez au verset 81-82. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. J'ai dit, quand me consoleras-tu? Dans chaque problème que tu as, prenez ta Bible. Il y a toujours une promesse vis-à-vis de ce dossier-là. Dites amen, ses frères. Dans chaque problème que tu as, il y a toujours une promesse. C'est pourquoi David dit, mes yeux languissent après ta promesse. J'ai dit, quand me consoleras-tu? Ça doit être les paroles de chaque élu ce soir. La consolation ne vient pas des hommes. Nous avons un Dieu qui console son peuple. Et toute la consolation des élus se trouve dans les Écritures. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Verset 116. David dit encore, soutiens-moi. Qui veut que Dieu le soutienne? Dieu ne soutient pas le péché. Dieu soutient sa parole en vous. Alléluia. Amen. Si toi tu n'as pas la parole en toi, kama wa una Dieu neno viendra ndani soutenir yako, quoi? Mungu atakuwa kusaidia. C'est nini? Quand tu as la parole, na neno lake, Dieu vient dire amen à sa parole. Mungu anakuwa kusema amen na kuneno lake. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi David dit, soutiens-moi, unishika mimi selon ta promesse, kufuatana malako yako, afin que je vive, ili nipate kuishi. Ne me rend point confus dans mon espérance. Sois mon appui. Pour que je sois sauvé. Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Si Je me laisse toujours malade, Seigneur, je n'ai pas la force. Comment je viendrai à l'église? Comment je chanterai la chorale? Il faut que je sois fort pour jouer les instruments. Que j'ai la force pour venir à l'église. Frère, tout c'est selon la promesse. Quand tu prie à Dieu et tu bases ta prière sur les promesses, Dieu est malako. Obligé. Mungu analazimisha. Il est obligé d'agir. Analazimisha kutenda. Oh, c'est merveilleux. Oh, ça. Ni adamani. 145, il dit, nia moja makumine atano asena, je t'invoque de tout mon cœur. Nakuita na moyo wangu wote. Exauce-moi. Unikubali. Et t'aimes. Jehovah. Afin que je garde tes statuts. Ili nipate kuchunga sheria yako. Je t'invoque. Nakuita. Sauve-moi. Niokoe. Afin que j'observe tes préceptes. Ili nipate kuchunga agizo yako. Je devance l'aurore et je crie. Nitangulie asubuhi na kuna nipate natumainia. En tes promesses. Mumalako yako. Alléluia. Amen. Et 169, il dit, que mon cri parvienne à toi. Malalamiko yangu kufikie. Ô Éternel, ô Yehova, donne-moi l'intelligence. Nipatie akili. Selon ta promesse. Kufuatana na malako yako. Ata una akili. Même si tu n'es pas intelligent. Hakuna paka akili ya kumasomo. Il n'y a pas seulement l'intelligent de l'école. Tu es un homme là, tu gagnes l'argent au travail. Na una nayo akili. Feza, mais tu n'as pas d'intelligence avec cet argent. Tu vas au marché pour acheter Wenda autre chose. Kuza kitu gingine. Tu as un programme. Una mapu yako. Tu vas au marché pour acheter une chemise. Kuza chemise. Tu arrives là-bas. Unafika mule. Un vendeur commence à te pointer un pantalon. Wakuzisha nazo kuonesha pantalon. Des souliers. Oh, bilato. Tu laisses les chemises. Unaacha chemise uriendeya. Hauna intelligence. Tu n'es pas, hauna wakili. Mais l'intelligence vient de Dieu. Akili natokea kwa Mungu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse de gérer même les trucs que nous avons. Ekima ya kuchunga na kongosa ikidoko na Mungu. Regarde cette sœur-là. Elle pleure, n'a pas mangé. Elle a oublié les foufous qu'elle jetait. Manque d'intelligence. Anana akili. Vous êtes cinq à la maison. Mungu tano kunyuma. Mais vous préparez deux meka de farine pendant les jours. Munapika mameka mbili usiku mmoja. Ya le reste. Le reste. Vous les jetez. Ça se détruit, ça s'abîme. Lorsque vous avez jeté, Dieu restera seulement à toi seul. Il se souvient seulement de toi. Il te donne, tu jettes. Une mauvaise gestion, c'est le manque d'intelligence. Amen. Amen. Toi, tu crois que Dieu sera seulement à toi seul, qui est enfant de Dieu seul. Regardez ces exercices. Le reste. Ah, jetez ça, donnez ça au poussin. Vous allez encore préparer d'autres. Un homme qui ne connaît pas la gestion. Sans intelligence. Binaisha. Ça termine. Bien couru 30 jours. Le repas. À manger pendant 30 jours. Mango. Ça termine dans 14 jours. Oh mon Dieu. Tu considères Dieu comme ton grand-père. Quand Dieu te donne, aujourd'hui demande la sagesse. Léo, wombe ekima. De l'église dit amen. Amen. Demande la sagesse. Wombe ekima. C'est pourquoi David dit. Joko mana Daudi anasema. Est-ce que vous aimez la parole? Anapenda neno. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est l'écriture où nous étions. Niandiko le tukua nasoma. Nous étions sur verset 169. Donne-moi de l'intelligence selon ta promesse. Unipatie akili kufuatana na malako yako. Commence à prier. Uanze kuomba. Toi, tu avais donné la sagesse à Salomon. Wewe ulipatiaka Salomo hekima. Tu avais donné la sagesse à Joseph. Umpatie hekima Yusufu. On lui a donné la gestion de toute une nation. Bani il a géré. Kuongoza kwa taifa nzima. Mungu amebariki. Et toi, tu manques gérer une femme avec trois enfants. Kuongoza mke mwana watoto tatu. Un homme sans programme. Mapu. Les démons ont saisi son intelligence. Il faut yake. Le saluer aujourd'hui. Il n'a pas choqué vous. Selon la promesse. Na il continue. Anaendelea. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Maombolezo yangu ikufikie. Délivre-moi. Unikombole. Selon ta promesse. Fatana na malako yako. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. Qui est consolé ce soir? Acclamé pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Pour ce soir, leo, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Priez yombe, sur base de promesses. Fuatana na malako, et Dieu agira. Na kisha Mungu atatenda. Ok. Amen. Je crois que vous aimez le Seigneur. Nawazia mnampenda Bwana. Omba na roho yote Mungu atakusaidia. Priez de tout ton cœur. C'est un Dieu de promesses. Juni Mungu wa malako yasipokotola.